Chapitre deuxième. Un mois environ après mon arrivée à Florence, je fus présenté à une dame américaine dont le salon a le privilège d'attirer les visiteurs étrangers. Elle n'était ni jeune ni riche, mais elle offrait à ses hôtes de très bonté, des gâteaux au choix et une conversation moins variée. Chez Madame Coventry, l'entretien ne roulait que sur les questions esthétiques, car elle se donnait pour un juge infaillible en fait d'art. Son appartement était un musée Pitti aux petits pieds. Elle préférait les vieux maîtres. Il y avait je ne sais combien de Perugino dans sa salle à manger, un Giotto ornait son boudoir, et un André del Sarto remplaçait le miroir sur la cheminée du salon. Grâce à ses trésors, un fouillis non moins précieux de bronze, de mosaïque, de triptyque aux panneaux vermoulus, ou à dessin, aux contours anguleux, s'extasiait sur un fond d'or. Elle passait aux yeux de ses compatriotes pour une sorte de grande prêtresse des arts. En guise de broche, elle portait une immense miniature reproduisant la Madonna della Seggiola. Je la pris un soir à part, et je lui demandai si elle connaissait un homme très remarquable nommé Théobald. « Si je le connais » s'écria-t-elle. « Si je connais ce pauvre Théobald !» Tout Florence connaît ses cheveux flamboyants, sa tunique de velours noir, et sa Madone que personne n'a jamais vue. « Comment, vous ne croyez pas à sa Madone ?»« Allons, je vois qu'il vous a endoctriné. Cela ne m'étonne pas. Je me rappelle le jour où il prit la ville d'assaut. Un second Raphaël était né, dont la gloire devait rejaillir sur notre chère Amérique. N'avait-il pas les cheveux de Raphaël? Les cheveux, hélas, et non la tête. Enfin, on l'accepta tel quel, et on proclama son génie sur les toits. Les femmes mouraient d'envie de se faire peindre par lui, et de devenir immortelles, comme la Joconde. On s'accordait pour déclarer que ses manières appelaient Leonardo, qu'il avait quelque chose de mystérieux. Par malheur, le mystère a beaucoup trop duré, si bien que l'on a fini par ne plus s'émerveiller. Le maître refusa de produire son chef-d'œuvre. Il passait des heures entières à contempler le même tableau. Il ne voulait pas profaner son pinceau, disait-il, en peignant de vulgaires portraits. Peu à peu, on cessa d'insister, et il ne tenta rien pour ramener les incrédules. « Les grandes œuvres exigent du temps, on verra » répétait-il. « Je crois qu'il me fait l'honneur de me regarder comme le chef d'une conspiration dirigée contre lui » et qui dure depuis une vingtaine d'années. Parlez-lui de moi, et il vous dira que je suis une horrible vieille, qui ai juré sa perte, parce qu'il a refusé de peindre ma tête pour servir de pendant à la flore du Titien. Lorsque je le rencontre par hasard dans un musée, il fixe sur moi ses grands yeux noirs avec une indifférence aussi sublime que s'il contemplait une mauvaise copie d'un Sasso Ferrato. J'ai su, il y a déjà longtemps, qu'il s'occupe d'une madone qui doit résumer les perfections de toutes les madones célèbres de l'école italienne. Peut-être vous a-t-il parlé de sa merveilleuse idée, bien qu'il ne la confie pas au premier venu. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, ne lâchez pas votre argent avant d'avoir vu une esquisse. Je me figure, quant à moi, que si l'on pouvait pénétrer dans son atelier, on y trouverait des toiles assez semblables à celles dont il est question dans un des contes de Balzac, une toile couverte d'affreux barbouillages. Je me contentais de répondre que, directement ou indirectement, M. Théobald n'avait jamais sollicité une commande, avec ou sans esquisse, et que jamais il n'avait essayé de m'emprunter un écu. Néanmoins, les paroles de la dame me causèrent une impression d'autant plus pénible qu'elles semblaient confirmer certains vagues soupçons qui m'étaient déjà venus à l'esprit. Peut-être le malheureux peintre ne possédait-il aucun talent. Mais si Mme Coventry se trompait, elle commettrait une erreur bien cruelle. La façon dont elle expliquait les excentricités de mon ami pouvait bien provenir du dépit, car à l'époque où Théobald avait refusé avec dédain d'immortaliser ses contemporaines, elle n'était certes pas une horrible vieille. Je tenais beaucoup à savoir ce que l'artiste aurait à dire là-dessus. La première fois que je le rencontrais, je lui demandai à un brûle-pourpoint s'il connaissait Madame Coventry. Il posa la main sur mon bras et me regarda d'un air attristé. « Vous aussi, vous vous êtes laissé entraîner chez elle ?» s'écria-t-il avec un peu d'amertume. « C'est une sotte, une femme frivole et sans cœur, qu'elle a prétention d'être bonne et affecte de ne parler que de choses sérieuses. Elle ne tarit pas sur la seconde manière de Giotto. Et à l'entendre parler de la liaison de Vittoria Colonna avec Michel, on dirait que Michel demeure de l'autre côté de la rue et qu'on l'attend pour faire le quatrième à une table de whist. Au fond, elle se connaît en beaux-arts comme je connais le bouddhisme. Elle profane les mots sacrés, ajouta-t-il avec plus de véhémence. Elle ne tient à vous voir dans son salon rempli de mensonges, de faux pérugins, que parce que vous servez à passer les tasses de thé. Si vous ne voulez pas bâcler en 3 jours un tableau qu'elle puisse soumettre à ses hôtes, elle proclamera sans hésiter que vous êtes un charlatan. » Décidément, j'avais affaire à 2 ennemis. Mais l'épreuve à laquelle je venais de soumettre les assertions de Madame Coventry ne dissipait pas mes incertitudes. Notre entretien avait lieu assez tard dans l'après-midi, lors d'une visite à l'église de San Miniato, située sur une des collines qui domine la ville. Rien de plus beau que le panorama de Florence, vu du haut de la large terrasse qui s'étend en face de l'église aux murs de marbre crevassé. Les montagnes se dessinaient vaguement en bleu, comme une vaste coupe au fond de laquelle semble être tombée la petite cité aux 1000 trésors, avec ses amples dômes et ses légères tourelles. Cependant, l'allée de cyprès qui des portes de la ville conduit à San Miniato n'a rien de gai, et pour chasser les pénibles souvenirs qu'avait réveillé le nom de Madame Coventry, je proposai à Théobald de m'accompagner le soir même à l'opéra, où l'on devait représenter une œuvre rarement jouée. Il refusa, ainsi que je m'y attendais presque, car j'avais remarqué qu'il ne disposait jamais de ses soirées en ma faveur, bien qu'il ne fît aucune allusion à la façon dont il les passait. « Vous m'avez plus d'une fois rappelé, lui dis-je, la charmante tirade du peintre florentin de Lorenzaccio, d'Alfred de Musset. Je ne fais de mal à personne. Je passe mes journées dans mon atelier. Le soir, je vais voir ma maîtresse. Lorsque la nuit est belle, nous la passons sur son balcon. Je ne sais si vous avez une maîtresse ou si elle a un balcon, mais pour peu que ce double bonheur vous soit échu en partage, je reconnais que vous auriez tort de venir écouter une prima donna de 3e ordre. » Il parut hésiter avant de répondre. Il se tourna enfin vers moi d'un air solennel et me demanda « Êtes-vous capable de contempler une belle femme avec toute la vénération qu'elle mérite ?»« Ma foi, répliquai-je, sans me donner pour un saint, j'ose affirmer que je ne suis pas impudent. » Je le prie ensuite de s'expliquer plus clairement, et lorsque j'eus déclaré que je croyais pouvoir m'engager à tempérer l'admiration par le respect, il m'annonça d'un air mystérieux qu'il était à même de me présenter à la plus belle femme de l'Italie. « Une beauté doublée d'une âme, » ajouta-t-il. « En vérité, vous êtes fort heureux, » m'écriai-je. « Je serais ravi d'être témoin de l'union de ces 2 mérites. »« La beauté de cette femme, » reprit Théobald, « est une leçon, une moralité, un poème. J'y trouve un sujet d'étude inépuisable. » Avant de le quitter, j'eus soin de lui rappeler son offre et d'exiger de lui une promesse formelle qu'il hésita un peu à me donner. « Il me semble presque commettre une profanation, » dit-il, « car jusqu'à présent j'étais seul à contempler celle dont je vous parle. Je vous accorde une grande preuve d'amitié. Vous êtes le premier à qui j'ai confié mon secret, mais une trop longue familiarité nous fait parfois perdre de vue la valeur réelle des choses, et peut-être agrandirez-vous mon horizon en me suggérant quelque interprétation nouvelle. » Il me donna rendez-vous pour le lendemain soir. L'heure venue, nous nous dirigeâmes vers une vieille maison située au centre de Florence, non loin du Mercato Vecchio. Il nous fallut gravir jusqu'au dernier étage un escalier raide et mal éclairé. La beauté de Théobald semblait se cacher avec autant de soin que la belle aux cheveux d'or qui, on le sait, était reléguée au sommet d'une tour. Mon guide entra sans frapper dans l'antichambre de ce logis peu luxueux, et poussant une seconde porte, m'introduisit dans un petit salon pauvrement meublé et d'un aspect assez sombre, en dépit des rideaux blancs qui s'agitaient devant une fenêtre ouverte. Assise près d'une table sur laquelle brûlait une lampe, je vis une femme vêtue de noir qui travaillait à un ouvrage de broderie. Lorsque Théobald se montra, elle redressa la tête pour lui sourire. Mais en m'apercevant, elle eut un mouvement de surprise et se leva avec une sorte de dignité majestueuse. Théobald s'avança et lui prit la main qu'il baisa avec un respect qui annonçait pourtant un long usage de ce genre de salutation. Tandis qu'il s'inclinait, elle me regarda d'un air mécontent, et il me sembla qu'elle rougissait. « Contemplez la Séraphine, » me dit Théobald avec un geste théâtral. « Monsieur est un ami et un appréciateur des beaux-arts, » ajouta-t-il en s'adressant à mon hôtesse. Cette présentation me valut un sourire, une révérence, et l'on m'invita à prendre un siège. La plus belle femme de l'Italie était une personne d'un beau type italien, très simple d'allure. Lorsqu'elle se fut rassise devant sa lampe et eut repris sa broderie, elle ne trouva que fort peu de choses à dire. Théobald, penché vers elle dans une sorte d'extase platonique, lui adressa 1 douzaine de questions tendrement paternelles sur sa santé, sur ses occupations, sur les progrès de sa broderie, qu'il examina et me fit admirer. Ce travail ornait quelques parties d'un vêtement ecclésiastique. Les broderies, tracées en fil d'or et d'argent sur un fond de satin jaune, annonçaient une ouvrière très habile. Séraphina répondait d'une voix à la fois douce et sonore, mais avec un laconisme que j'attribuais à la gêne que lui causait ma présence inattendue. Elle raconta que le matin elle était allée à confesse, puis au marché, où elle avait acheté un poulet pour dîner. Elle se trouvait très heureuse, elle ne se plaignait de rien, si ce n'est du manque de probité des gens pour qui elle travaillait et qui lui fournissaient ses matériaux. Il lui répugnait d'employer un aussi mauvais fil dans un vêtement consacré, pour ainsi dire, au Seigneur. De temps à autre, elle levait les yeux pour diriger de mon côté un regard où je ne vis d'abord que l'expression d'une curiosité fort naturelle. Ce manège s'étant renouvelé, je me demandais s'il ne cherchait pas à établir une entente avec moi aux dépens de notre compagnon. Fidèle à la promesse que j'avais faite de tempérer l'admiration par le respect, je me mis en mesure de juger jusqu'à quel point la dame méritait l'éloge de Théobald. C'était en effet une belle femme, ainsi que je fus forcé d'en convenir, malgré la surprise que j'éprouvais en remarquant qu'elle n'avait plus la fraîcheur de la jeunesse. Sa beauté du reste était de celle dont le charme essentiel consiste dans la forme ou dans ce que Théobald aurait appelé la composition, et qui ont le moins redouté des ravages du temps. Elle était grande, largement charpentée, avec un front un peu étroit, de beaux yeux calmes et un teint pâle sous une peau brunie par le soleil d'Italie. L'épaisse chevelure noire qui cachait ses oreilles et une partie de ses joues formait une coiffure aussi modeste que le voile d'une nonne. Son port de tête avait une allure imposante dont la fierté était corrigée par un air de résignation dévote qui s'harmonisait à merveille avec le regard paisible qu'elle abaissait sur sa broderie. En somme, tout annonçait une vigoureuse nature physique et la sérénité d'un esprit que les nerfs laissent en repos. La Séraphina portait une toilette fort simple, une robe brune et un fichu d'un bleu foncé qui se croisait sur la poitrine, ne laissant voir qu'un cou bien modelé. Sur le fichu brillait une petite croix d'argent. J'admirais beaucoup mon hôtesse, mais non sans faire de larges réserves. Une profonde apathie intellectuelle accompagne d'ordinaire le type de beauté mûre que j'avais sous les yeux. Cette égérie bourgeoise ne devait pas être tourmentée par des aspirations bien élevées. Une lueur intime avait-elle jamais éclairé ce visage? Il était permis d'en douter. En tout cas, la lueur s'était singulièrement affaiblie. Et puis, pour parler sans métaphore, la dame commençait à engraisser. Ma déception alla presque jusqu'au désenchantement lorsque Théobald s'avisa de faciliter mon inspection secrète. Déclarant que la lampe brûlait mal et que la Séraphina s'abîmerait les yeux, il se leva pour prendre sur la cheminée deux bougies qu'il alluma. À peine les eut-il posées sur la table que je m'aperçus que notre hôtesse méritait décidément d'être classée parmi les femmes d'un certain âge. Les années n'avaient ni flétri son teint, ni imprimé une ride sur son visage, ni mêlé un fil d'argent à ses cheveux noirs. Elles se contentaient tout simplement de dépoétiser leur victime. Quant à l'âme, que l'on m'avait promise, je la cherchais en vain. Je ne pouvais donner un nom aussi mystérieux à une expression de douceur, qui ne manquait certes pas de charme, mais que reflètent les traits de plus d'une matrone de ma connaissance. Je n'aurais guère juré que cet air de pieuse résignation n'appartint pas à toutes les brodeuses obligées de pencher sans cesse la tête sur leur travail. Il me vint même à l'esprit qu'il y avait là quelque chose de moins innocent qu'une habitude acquise, car malgré le peu d'esprit que je lui supposais, l'imposante ouvrière me laissa entrevoir qu'elle prenait la situation moins au sérieux que ne le faisait son adorateur. Quand ce dernier s'est élevé pour allumer les bougies, elle m'avait adressé un rapide sourire en se frappant le front à plusieurs reprises avec un de ses doigts. Il eût été déloyal de ma part d'avoir l'air de la comprendre. Je refusais donc d'admettre que le pauvre Théobald eut le cerveau fêlé. Elle haussa les épaules et se remit à broder. Quels étaient les rapports de ce couple singulier ? Mon compagnon était-il le plus chaleureux des amis ou le plus platonique des amoureux? La dame le regardait-elle comme un génie excentrique dont elle se plaisait à encourager l'admiration inoffensive en lui laissant passer quelques heures dans son petit salon durant les longues nuits d'été? Sa gravité, la simplicité de son costume, le vêtement ecclésiastique qu'elle brodait, lui donnaient l'air d'une sœur laide jouissant du privilège de demeurer en dehors des murs de son couvent. Ou bien vivait-elle à l'abri du besoin aux dépens d'un ami désireux d'avoir toujours sous les yeux le type éternel de la beauté parfaite? Je remarquai qu'elle avait de fort belles mains, fines et blanches, qui ne ressemblaient en rien aux mains d'une ouvrière. « Et les tableaux ? » demanda-t-elle à Théobald après un intervalle de silence. « cela marche !» répliqua-t-il. « J'ai ici un ami dont la sympathie et les encouragements ont ranimé ma foi et mon ardeur. » Notre hôtesse se retourna vers moi, me regarda un moment d'un air qui m'intrigua un peu, se frappa le front comme elle l'avait fait une minute ou deux auparavant, et dit avec un sérieux imperturbable « Il a un génie immense !»« Je suis tout disposé à le croire, » répliquai-je. « Pourquoi donc souriez-vous » s'écria-t-elle. « Puisque vous en doutez, il faut que vous voyiez le bambino. » Elle prit la lampe et me conduisit vers l'autre bout de la chambre où se trouvait accroché au mur, entouré d'un simple cadre de bois noir, un grand dessin à la sanguine. Au-dessous, on voyait un bénitier. Le dessin représentait un très jeune enfant complètement nu, à moitié niché sur les genoux de sa mère, mais qui étendait en avant ses deux petits bras comme pour donner une bénédiction. Cette sanguine était exécutée avec une sûreté de main et une vigueur singulière, et semblait néanmoins resplendir de la délicate fraîcheur de l'enfance. Une sorte d'élégance et de grâce naïve, se mêlant à une merveilleuse fermeté de touche, rappelait la manière du corrège. « Voilà ce qu'il peut faire, » dit mon hôtesse. « C'est la vivante image du petit ange que j'ai perdu. Et le signor Théobaldo me l'a donné. Il m'a donné bien d'autres choses. » Je contemplais pendant quelque temps le dessin, et j'exprimais très sincèrement mon admiration. Je déclarai à Théobald que si son œuvre était accrochée parmi les dessins du musée des offices et signée d'un nom glorieux, les critiques s'y tromperaient. Mes éloges parurent lui causer un vif plaisir. Il me pressa les mains avec effusion, et ses yeux se remplirent de larmes. Il éprouva sans doute le désir de me raconter l'histoire de cette esquisse, car il se leva bientôt, et fit ses adieux à notre hôtesse, lui baisant la main avec la même ardeur respectueuse que lors de notre entrée. Je pensais que la façon dont elle accueillerait ma politesse m'aiderait à juger à quelle espèce de femme j'avais affaire, et je me disposais à imiter mon compagnon. Dès qu'elle s'aperçut de mon intention, elle retira vivement sa main, baissa les yeux et m'adressa une révérence cérémonieuse. Théobald me prit le bras et m'entraîna rapidement dans la rue. « Que pensez-vous de la divine Serafina ? » s'écria-t-il dès que nous eûmes fait quelques pas. « Sa beauté possède au moins le mérite de la solidité, » répliquai-je. Il me regarda un instant d'un air irrité, puis il parut oublier ma réponse pour s'abandonner au courant de ses souvenirs. « Ah, je voudrais que vous eussiez pu voir la mère et l'enfant, » dit-il, « comme je les ai vus lors de ma première rencontre. La mère, un châle drapé autour de la tête, le visage troublé par une douleur ineffable, le bambino pressé contre sa poitrine. Vous auriez avoué, je crois, que le hasard m'envoyait un modèle aussi beau que ceux de Raphaël. Je revenais un soir d'été d'une longue promenade, lorsque cette apparition me frappa en dehors d'une des portes de Florence. La femme tendit la main. Je ne savais trop s'il fallait lui demander « Comme voulez-vous » ou me jeter à ses pieds pour l'adorer. Elle mendiait. Je vis qu'elle était aussi pâle que belle. On aurait pu s'imaginer qu'elle sortait de l'étable de Bethléem. Je lui donnais de l'argent et je l'aidais à gagner la ville. J'avais deviné son histoire. C'était une fille mère que le monde abandonnait à sa honte. Plus heureux que ces peintres cloîtrés d'autrefois qui avaient des visions, je voyais soudain se réaliser le type rêvé. Je tirais ces pauvres êtres de la misère, je m'attachais à eux, je veillais sur eux comme j'aurais veillé sur quelque œuvre d'art, sur quelque admirable fragment de fresque découvert au fond d'une église en ruine. Au bout d'un mois, comme pour accroître et consacrer ma sympathie, le pauvre petit enfant mourut. Lorsque la mère comprit qu'il n'y avait plus d'espoir, elle tint son fils devant moi pendant une dizaine de minutes, et je fis l'esquisse qu'elle vous a montrée. Vous avez sans doute remarqué la hâte fiévreuse avec laquelle le dessin était achevé. Je voulais épargner le pauvre bambino, qui avait à peine la force de poser, même soutenu par les bras de sa mère. Ensuite, la Serafina me devint doublement chère. C'est bien la créature la plus douce, la plus pieuse, la plus simple, la plus franche, dont la vieille Italie puisse s'enorgueillir. Elle ne vit que dans le souvenir de son enfant, pleine de reconnaissance pour les légers services que j'étais à même de lui rendre. Elle n'a pas l'air de se douter qu'elle est belle. Mes éloges ne lui ont jamais inspiré le moindre accès de vanité. Dieu sait pourtant que je ne cache pas mon admiration. Vous avez dû être frappé de la singulière transparence de sa physionomie expressive, de l'adorable modestie de son regard. Avez-vous jamais vu un front d'une pureté aussi virginale? Où trouverez-vous une chevelure qui ondoie avec une élégance aussi classique? Je l'ai étudiée. Je ne puis me vanter de la connaître. Je l'ai absorbée peu à peu. Son image est maintenant bien gravée dans mon esprit et je suis décidé à saisir l'impression. Je vais enfin l'inviter à m'accorder quelques séances. Enfin, répétai-je avec surprise, voulez-vous me donner à entendre qu'elle ne vous a pas encore servi de modèle? Elle ne m'a pas précisément servi de modèle, répondit Théobald. J'ai pris des notes. J'ai l'impression fondamentale de mon sujet. C'est là l'essentiel. Mais jusqu'à présent, elle n'a point posé, convenablement drapée et éclairée, devant mon chevalet. Mon tact et ma discrétion me firent défaut. Je ne pus réprimer une exclamation que je devais regretter amèrement. Nous venions de nous arrêter au coin d'une rue, sous un réverbère. « Mon pauvre ami, m'écriai-je en posant la main sur son épaule, vous avez lambiné! Votre modèle est trop vieille pour une madone !» Il recula, comme si je l'eusse brutalement frappé en pleine poitrine. Je n'oublierai jamais le long regard désespéré qu'il m'adressa. « Lambiné ? » dit-il enfin. « Vieille ? Vieille ? Est-ce que vous plaisantez ? Voyons, mon cher ami, je ne pense pas que vous la preniez pour une femme de 20 ans. » Il poussa un profond soupir et s'appuya contre le mur voisin, me contemplant d'un air de doute et de reproche. Puis il s'élança vers moi, me saisit le bras et me demanda « Répondez-moi avec franchise. Vous paraît-elle vraiment vieille ? Est-elle ridée ? Est-elle fanée ? Suis-je aveugle ?» Je compris alors l'immensité de son illusion. Une à une, les années silencieuses avaient glissé sur lui, tandis qu'il s'abandonnait au charme d'une inactivité rêveuse, préparant sans cesse un travail, sans cesse sa journée. Il me sembla que ce serait lui rendre un véritable service que de lui ouvrir les yeux. « Vous n'êtes pas aveugle, » répondis-je. « Vous avez au contraire perdu beaucoup de temps dans une contemplation stérile. Votre amie a été jeune et fraîche. Elle a pu ressembler à une vierge, mais il y a des années de cela. Néanmoins, elle conserve de beaux restes. Faites-la poser et... » Je ne pus achever ma phrase, tant l'effet produit par mon indiscrétion me peina. Théobald avait ôté son chapeau et passait son mouchoir sur son front avec un mouvement machinal. « De beaux restes. Je vous remercie de votre euphémisme. Il faut que je compose ma madone avec de beaux restes. Quel chef-d'œuvre ça sera. Vieille, vieille !» murmura-t-il ensuite, comme en se parlant à lui-même. « Peu importe son âge, m'écriai-je, peu importe ce que je pense d'elle. Vous avez vos souvenirs, vos notes, votre génie. Terminez votre tableau en un mois. Je suis sûr d'avance que vous produirez un chef-d'œuvre. Je vous l'achète au prix qu'il vous plaira de fixer. » Il me regardait en ouvrant de grands yeux, sans paraître me comprendre. « Vieille, vieille, » répétait-il d'une voix monotone. « Si la vieille, que suis-je donc moi? Si sa beauté a disparu, où est ma force? Ma vie a-t-elle été un rêve? Ai-je adoré trop longtemps? Ai-je trop bien aimé ?» Le charme était rompu. Il fallait que la trame de son illusion eût été affaiblie par une tension exagérée pour se déchirer aussi facilement. Un mot prononcé par hasard avait dissipé les ténèbres où vivait le malheureux peintre. Il voyait clair maintenant. Soudain, il baissa la tête et fondit en larmes. Je le ramenai avec douceur vers mon logis, mais je n'essayais ni de calmer sa douleur, ni de lui voiler la dure vérité. Arrivé en face de mon hôtel, je l'engageai à entrer. « Venez, lui dis-je, nous boirons à l'achèvement de votre madone. » Il releva la tête avec un violent effort. Parut se livrer un instant à de sombres réflexions, en jugé par ses sourcils froncés. Puis il me tendit la main en s'écriant « Je la finirai dans un mois. Non, 15 jours. » Après tout, elle est là. Et il se frappa le front. « Oui, parbleu, elle est vieille. On peut le lui dire, sans l'offenser. Une femme qui a fait passer 20 ans comme si ce n'était que 20 mois. Vieille, vieille. Eh bien, monsieur, elle sera éternelle. » J'offris de le reconduire jusque chez lui, mais lorsque je voulus lui reprendre le bras, il me repoussa avec un geste théâtral. Il s'éloigna en sifflant et en brandissant sa canne. J'attendis quelques minutes, puis je le suivis à une certaine distance jusqu'à ce qu'il eût franchi le pont de la Santa Trinita. Au milieu du pont, il s'était arrêté comme à bout de force pour s'appuyer sur le parapet. J'eus soin de ne pas le perdre de vue. mais j'avoue que je demeurais assez inquiet tandis qu'il contemplait la rivière. Il se remit enfin en marche et continua sa route à pas lents, la tête baissée. Je ne jugeais pas à propos de l'accompagner plus loin, à travers les rues.